Depuis l'année insensée, ah là là, nous sans nous idée. Ah là là, nous sans nous idée, n'a volé comme un paillot qui est dans les airs. Depuis l'année Mon arrasé.